il y a longtemps déjà. Puis je t'ai plu, tu m'as pris dans tes bras. Tu m'as voulu, je n'avais plus le choix. J'étais perdu, coincé entre tes doigts. Tranquillement, tu as régi ma vie. Pendant 2 ans, je n'ai plus rien choisi. Bien inconscient de ne pas chercher d'abri, en ne garant jamais mes apathies. Au secours, où suis-je aujourd'hui? Au secours, je marche dans la nuit. Tu m'as coincé au fond d'une souricière. Tu m'as fâché avec la terre entière. M'as isolé de demain et d'hier. Tu m'as cassé avec ton cœur de pierre. Je ne savais pas ton amour pour le noir, et que ta loi me ferait perdre espoir. Je ne savais pas que les femmes à histoire étaient pour moi bien pire qu'on ne peut le croire. Au secours, où suis-je aujourd'hui? Au secours, je marche dans la nuit. Je me demande où je pouvais bien être. Je me demande si je voulais paraître. Que l'on me pende si j'étais bien ce traître. Qu'on vilipende si loin de tout mon être. Puis un beau jour, tu as voulu partir. Ce vilain jour où j'ai voulu mourir. Quand sans amour, tu m'annonças le pire. Un autre pour lequel tu voulais jouir. Je n'ai rien appris à part que de souffrir. S'il m'est permis à nouveau de sourire. Parfois un cri dans mon cœur fait jaillir toute la suie autour des souvenirs. Et ta présence ne peut plus se nier. Toute la chance de pouvoir t'oublier n'a plus de sens tant mon corps est noué. Quand on y pense, c'est toi qui as gagné. Au secours, où suis-je aujourd'hui? Au secours, je marche dans la nuit.